trop de choses ignobles et combien de gens les ignorent. Reste là à pleurer, implorer le Seigneur. Moi ma vie c'est puissant, je ne peux l'épuiser. J'y puise la force pour être simple et précis. Passé un an j'ai vu mon père buvant, souvent ma mère mourante. Et moi tout petit alors que j'ai l'air plus grand, je pars chagrin. Et puis d'un coup mes yeux deviennent plus vieux. Ne me dis pas que ça craint, on perd du temps. Je m'en fous éperdument. Je suis tellement bas comme Martha Juliette que mes vers soient luttants. Qu'on me frappe à terre, je m'en bats. Mes paroles sont pas là pour faire du vent. La terre s'empare de l'homme pour une affaire de carburant. Les sens se développaient, mon cœur s'emballe au fond d'un car brûlant. Un corbillard, j'ai plus d'idées, je suis tout encore bizarre. Ah ouais, j'y pense chaque jour que c'est au ciel que je fais des gros bisous. J'ai pas de bijoux, moi pour briller, j'écris sous ma bougie. Tout qui me tue me reverra rougir, même si je suis pas bouddhiste. Je vais faire bouger le cœur de tous à l'écoute de ce son avec délicatesse. Je crois que l'enfance elle a coupé les ponts, donc je fais l'adulte. Et je m'habitue à ne pas m'y retrouver, à marcher dans le frais. J'y sens encore la merde sous mon pied gauche. Moi j'ai pas de chance, mais je suis pas maladroit, rien ne change. Donc je te le raconte, que ça te fasse mal à toi, que tu le ressentes. Comme je le vis, qu'enfin on boive la tasse ensemble. Quand tu verras la poisse, dis-lui bonjour ma foi. Trop de choses ignobles, et combien de gens les ignorent. Reste là à pleurer, implorer le Seigneur. Moi ma vie c'est puissant, je ne peux l'épuiser. De ma tête à mon cœur, tout est improvisé. Ma vie c'est viser plus haut dans ce monde de vicieux. C'est vite fait de dire, et moi les gars, je vais vivre vieux. La naissance est précieuse, et puis tu meurs actif. Fautif, faire pas que fautif, mais beaucoup de faux frères. Optimiste je le suis, la tête ailleurs je prépare. Mon avenir même très tard, donc tu me verras prêt pour le départ. Je te le dis pour au cas où tu t'y ferais pas. Ouais je démarre déjà mort, tu vois que l'envers du discours m'effraie pas. Je vais me frayer un passage, ouais t'inquiète. T'attends quoi que je dise cool, je vais payer, c'est la fête, c'est la merde. Tu crois que je me plains d'être? C'est toujours le même refrain, ce texte. C'est l'exhaleur, ouais. Tu crois que je me plains d'être? Moi j'en ai plein la tête, j'attends le bon tremplin. Et trempé à temps plein, et me décrocher de l'enclume où je trempe toute ma plume. Dans l'encre, l'amertume. Ma vie c'est pas super, j'ai pas eu tant de support. Ouais, je prie pour aller mieux. Croyez pas que j'ai pris peur, j'appréciais pas dans le précipice. À faire les 100 pas et à bout de souffle, j'avais même pas le temps de suffoquer. J'ai mis le feu mille fois, et je dois encore au moins le faire. Me vouer à la foi qui me prouvera que j'ai pas de main de faire des mots de fou. Trouver la fin sur un chemin de fer pour m'élever demain, ça fait beaucoup d'être au moins un frère. Trop de choses ignobles, et combien de gens les ignorent. Reste là pleurer, implorer le Seigneur. Moi ma vie c'est puissant, je ne peux l'épuiser. Mais qu'à 21 ans, appelle-moi l'exhaleur rusé.